vise le seul étoile. C'est la seule que je vise, c'est la seule que je mise. Le jaloux veut me briser, mes rêves, mes guiser. J'ai pas me baiser, je crois pas, j'suis posé tranquillement. C'est la patience qui paye, tu sais c'est quoi les pailles. On cherche de la monnaie pour m'avancer et faire les choses bien, sans être un galérien ou avoir un vitien. Mais dommage, je ne choisis pas les siens. Avec mes négros, on a fait qu'un, je les crois. Je ne rate pas le train, je serai toujours au rendez-vous. Je serai toujours avec vous, que je me préserve. D'ici ou là-bas, ici c'est marche ou crève. Je sais qu'ici pas, mais on se démerde. C'est la merde ici, c'est dead. Et moi j'avance et je recule avec mon rap sale. Je sors des barres, je les encule, je mets la ceinture dans la hurle, la jeune devine et nous rassure. Toujours les mêmes qui souffrent, on partira tôt ou tard. Toujours la vie qui nous offre, le peuple de l'enfer. J'ai peur, le pire du futur. J'ai peur, le futur du terre. Toujours les mêmes qui souffrent, on partira tôt ou tard. Toujours la vie qui nous offre, le peuple de l'enfer. J'ai peur, le pire du futur. J'ai peur, le futur du terre. On n'a pas tort que dehors c'est la guerre. J'assume mes arrières, je compte qu'à mes frères. Ma mère, mon père et ma femme, la seule que je fais confiance dans ce terre. Je suis fier, fier de l'être. J'ai le mal de vivre la routine de tous les jours dans les quatre coins de la France. Toujours les mêmes qui galèrent, toujours les mêmes qui perdent, toujours les mêmes qui dort dehors, toujours les mêmes qui profitent des gros salaires. J'ai trop de choses à dire et je rappe pour calmer mes nerfs. J'suis pas à la hauteur, le micro m'aide à faire ce que j'ai à faire. Dis-moi à quoi ça sert, la vie elle est trop chère. On vit avec le moyen du bon. On se doit d'être fort avec le mauvais sort. Que la force soit avec nous, que la force soit avec vous. Et dans les moments précaires, ici ou ailleurs, que tu sois black ou blanc, peur. Toujours les mêmes qui souffrent, on partira tôt ou tard. Toujours la vie qui nous offre, le peuple de l'enfer. J'ai peur, le pire du futur. J'ai peur, le futur du terre. Toujours les mêmes qui souffrent, on partira tôt ou tard. Toujours la vie qui nous offre, le peuple de l'enfer. J'ai peur, le pire du futur. J'ai peur, le futur du terre. On paie le plus cher, l'enfer elle est trop chère. Ils ont le plaisir de nous voir souffrir. On reste plus cher avec leurs dollars. Ils verront pas les genoux, jamais par terre. On reste loyal, les balles passent à travers. On est venu comme ça, on partira avec la foi. J'ai peur, le pire du futur. J'ai peur, le futur du terre. On paie le plus cher, l'enfer elle est trop chère. Ils ont le plaisir de nous voir souffrir. On reste au plus cher avec leurs dollars. Ils verront pas les genoux, jamais par terre. On reste loyal, les balles passent à travers. On est venu comme ça, on partira avec la foi. Toujours les mêmes qui souffrent, on partira tôt ou tard. Toujours la vie qui nous offre, le peuple de l'enfer. J'ai peur, le pire du futur. J'ai peur, le futur du terre. Toujours les mêmes qui souffrent, on partira tôt ou tard. Toujours la vie qui nous offre, le peuple de l'enfer. J'ai peur, le pire du futur. J'ai peur, le futur du terre.